Salut les 60, ravi de vous retrouver. Patricia Carly, Vince Taylor et les célibataires débuteront cette première heure sur Radio Guémozo. Excellent après-midi, merci de nous accompagner. C'est un cri d'amour et de joie. Et si tôt que j'entends cette voix, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Mama, je ne sais pas. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Je n'ai qu'une joie, qu'un désir. C'était le voir pour toujours revenir. Car si pour que j'entends cet air-là, mama, alors tu es là, mama. Salut les 60 sur Radio Guémozo, le temps des copains. Non, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, e non avrei, e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte cose più di me. Lascia che io viva sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva con te, con te, con te. Patricia Carli, Non ho l'età, adaptation contre version originale au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs. Nous évoquerons à l'aide de titres classés le hit parade de mai 1964. Et notre coin du spécialiste sera consacré à Antoine et ses chemises à fleurs. Ce sont les points forts de Salut les 60. En tout cas, si vous décidez de rester en notre compagnie, vous entendrez des choses et des chansons connues ou inconnues qui accompagneront ces moments forts de l'émission. Excellente journée sur Radio Gémozo. Merci de votre choix. Is called Hawaii 5-0, proving once again that the fabulous Ventures are definitely instrumental in your life. The Ventures personally and proudly present on the Always Together Liberty label a skyrocketing spectrum of smash sound. We'll be right back. created a universal instrumental institution. And when they do a hit, you know it's been done. Hawaii 5-0, also available in 4-track, 8-track, and cassette. Fantomas se déchaîne. Jane Fonda tire à vue dans 4 ballons. Et Sean Dorfer nous fait partager ses souvenirs sur la guerre d'Indochine. Et j'ai crié. Sir Winston Churchill, lion sacré, a cessé de rugir. Alain Calma devient champion du monde de patinage artistique pendant que Belphégor hante le Louvre et la télé. Conflit indo-pakistanais. Les deux pays se disputent le Cachemire. Joe Colombo sort sa chaise empilable. Et au Bus Palladium, à Paris, naît une nouvelle danse. Le jerk, l'idiot, bien nommé. Monsieur Propre nettoie tout dans la maison. Monsieur Propre, champion du monde, tout nettoyage. Cricket sort le premier briquet jetable. Et Primrose Bordier lance l'imprimé et la couleur dans la maison. Et après un coup d'état, Boumediene renverse Ben Bella en Algérie. Oui, je suis un cavalier solitaire. Je ne fais que voyager. Le jour, je traverse les monts et les plaines. Et la nuit, je couche à la belle étoile. Le jour, je traverse les monts et les plaines. Je ne fais que voyager. J'ai rencontré le riche, j'ai rencontré le pauvre, j'ai voyagé avec les jeunes et les vieux. J'ai rencontré le riche, j'ai rencontré le pauvre, je ne fais que voyager. Un jour viendra, je le sais, je m'arrêterai, et ce jour-là, mon chagrin sera oublié. Un jour viendra, je le sais, je m'arrêterai, ma peine sera effacée. Je galope dans la vie, oui mais je suis libre. Je galope dans le vent, oui mais je suis libre. Je galope dans la vie, oui mais je suis libre. Et je reviendrai chez moi. Oui, je suis un cavalier solitaire. Oui, je suis un cavalier solitaire. Oui, je suis un cavalier solitaire. Je ne fais que voyager. Je galope dans la vie, oui, mais je suis libre. Je galope dans le vent, oui, mais je suis libre. Je galope dans la vie, oui, mais je suis libre. Et je reviendrai chez moi. Oui, je suis un cavalier solitaire. Oui, je suis un cavalier solitaire. Oui, je suis un cavalier solitaire. Je ne fais que voyager. Et je reviendrai chez moi. Long Christ, je suis un cavalier solitaire. J'aurais donné 10 ans de ma vie pour être le 8e mercenaire. Une citation qui illustre bien le caractère de Long Christ, ce grand garçon dégingandé qui maniait le lasso avec aisance sur scène. Elle chante en français avec une ravissante pointe d'anglais. Petula Clark, que ton cœur me soit fidèle. Je veux aussi que tu n'aies pour moi 1961, Chubby Checker, le roi du twist, passe à l'Olympia. Horreur, quelques heures avant son passage sur scène, on s'aperçoit qu'il danse le twist, oui, mais à l'américaine. On l'amène rapidement chez Régine, qui lui prodigue des leçons de twist à la française. Et pour la petite histoire, eh bien, sachez que Chubby Checker, sur la scène de l'Olympia, obtint un triomphe bien mérité. Dans la vie, il y a les bons et les méchants. Lui, c'est un méchant. Qui est bon? Enfin, vous n'avez pas bien saisi la chose. Allez, c'est pas grave, sur Radio Gémozo, Daniel Gérard et son petit bandit de Juarez vous donnent la réponse. Oui, c'était moi, le petit bandit de Juarez. Oui, c'était moi, qui chantait dans le matin. Mon butin à toutes les pelles, la l'âge après le vent du bien-aimé. Oui, c'était moi, le petit bandit de Jouarez. La nuit venue, je ne cours plus les sentiers. Et si pourtant je chante encore ma romance. La la la la la la la la la la la la la la la, c'est un souvenir du passé. La la la la la la la la la la la la la la la, c'est un souvenir du passé. Salut les 60, souvenirs, souvenirs sur Radio Guémozo. Oh, je veux quelque chose, tu sais, c'est presque rien. Laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi tenir ta main. Laisse-moi tenir ta main, laisse-moi tenir ta main, je veux tenir ta main. On irait la main dans la main, partout, et je me sentirais heureux, comme un fou, comme un fou. Chercher le matin, je serais tellement fier si je tenais ta main, si je tenais ta main, laisse-moi tenir ta main. On irait la main dans la main partout, et je me de François, laisse-moi tenir ta main. Après la version française sur Radio Guémozo, la version originale avec les Beatles, I want to hold your hand. Say to me. Claude François ou les Beatles, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Dans quelques minutes, sur Radio Gémozo, nous évoquerons le hit parade de mai 1964. Le temps pour nous d'écouter Leslie Clore, Eismeyer Perry. Excellente après-midi, en tout cas merci de nous écouter. Martin tourne le film Patate aux côtés de Jean Marais et Daniel Darieux. Sheila, dans le dernier titre, chaque instant de chaque jour, occupe la 33e place du hit parade et avec Danny Boy, Jean-Pierre Rampal et Yves Régnier, la vedette du feuilleton radiophonique Les extraordinaires aventures de Sheila dans Balzac 10-10 sur Radio Luxembourg. Situons le tout, nous sommes en mai 1964 et nous allons évoquer le hit parade de l'époque. Tu dois partir, mais ça ne change rien pour nous. Chaque instant de chaque jour, je serai là. Tu sais le vide que tu laisseras. Mais si tu as besoin de moi, souviens-t'en, je t'attends. C'est pourquoi ne pense pas que si le chagrin suit tes pas, il te faudra te consoler dans d'autres bras. Pour toi, chaque instant de chaque jour, je serai là. combien de temps je t'attends. Il suffira d'un mot de toi pour m'appeler. Je viendrai, puisque demain on doit se séparer tous deux. Alors je veux te dire tout simplement ce que jamais je n'ai osé dire à personne avant. Oh oui, chaque instant de chaque jour, je veux te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chaque instant de chaque jour, je veux te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chaque instant. Les sorties françaises des trois premiers 45 tours des Rolling Stones, I Wanna Be Your Man, North Fedaway et Carol, qui se classent à la 32e place du hit parade en ce mois de mai 1964, ont créé un effet de choc auprès des teenagers, comme on n'avait pas vu depuis l'arrivée des Beatles. That's a long ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank her now. Cause every time you make a scene, you find the joint is jammed. Du film D'où viens-tu Johnny est interdite en Algérie. Les mauvais garçons se classent à la 23e place du hit parade de mai 1964 et Johnny Hallyday s'habitue un peu plus chaque jour à la vie militaire. Des coups ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. Les mauvais garçons, ces inconnus, n'ont pas le désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Sont tous les vauriens, ne sont pas méchants. échangent, le sait bien, avec leur façon de cinéma d'autrefois. Les mauvais garçons que l'on peut voir voudraient une vie avec l'espoir. Il faudrait alors l'offrir sans retard. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons serrant le poing ne sont pas méchants, je le sais bien. Ils voudraient connaître un peu de la vie aussi. Ce jour-là, alors nous les verrons avec de l'amour parmi les bons. Ils ne seront plus de mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons. Ah, les mauvais garçons. 1964. Le B-70, inspiré du Concorde, s'envole pour la première fois. Zébulon et Pollux font trois petits tours sur le manège enchanté. Et Jules Dassin, hold up, top capi. Tous les copains, je ne vous oublierai jamais. Les Vadim sont désormais vendus à l'unité. Hello, darling. André Malraux, ministre de la Culture, inaugure la première maison de la culture à Bourges et la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Les Beatles envahissent l'Amérique. Les premiers monokinis apparaissent sur les plages. Et les mannequins rêvent d'être stars. Avec ce simple geste, vous en économiserez des centaines d'autres. Le scotch sert à tout et n'importe quoi. Les films d'horreur ont trouvé leur public. Sans se presser. Mao et Loche font ami-ami. Et les fauteuils sont futuristes. Chaque fois qu'ils chantent, moi je les envie. Que j'ai le capa ou que je sois gay, c'est toujours à eux que je me confie. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Et tous les jeudis, en surprise party. Écoutant leur piste, ils me font danser. Pendant que Yézé est au cours d'anglais. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Et tous les dimanches et tous les samedis, je pars avec eux pour les voir chanter. Pendant que Yézé est dans la pointe fermée. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Ah, et tous les copains sont de mon avis. Tant que je pourrai, toujours je chanterai. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Ah, j'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Encore, j'aime bien Johnny, Françoise et Chouchou, la mascotte du mensuel Salut les copains, 13e nuit de parade avec Johnny, Françoise et Sylvie. Excellent début de Monty sur scène lors de ses deux passages à l'Olympia, ce qui permet à Ce n'est pas vrai, son dernier titre, de rentrer à la 10e place du hit parade de mai 1964. Ah, j'ai de mal du calme, mais ça n'est pas vrai. Et qu'à part moi, aucun garçon n'existe. Oh oh, aucun coup de bête. Je l'ai rencontré l'autre soir, oui, c'était tout à fait par hasard. Et elle m'a demandé un rendez-vous. Mais que tout cela, bien sûr, reste entre nous. Non, non, non, non, non, non, non, ça n'est pas vrai. Oh oh oh oh oh. Sera là, ah, ah, ah. Et ça n'est pas vrai. Et vous verrez, elle se jettera dans mes bras, ah, ah. un peu de cinéma. Non, non, non, non, non, non, non, ça n'est pas vrai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est le téléphone qui sonne. Pour moi, vous devez vous tromper de personne. C'est vous, Brigitte, vous ne viendrez donc pas. Tant pis, bonsoir et à la prochaine fois. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, moi je suis refait. Non, non, non, non, non, non, tout ça n'est pas vrai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oui, moi je suis refait. Tant pis, je suis refait. Richard Anthony a offert à sa femme Michelle une Ferrari noire modèle 64. Et la gamine qui donne la réplique à Richard Anthony dans « À toi de choisir », titre qui occupe la 4e place du hit-parade de mai 1964, est la fille du pianiste Jean Moutet. Ma petite sœur bien-aimée, que tu veux devenir, oh oui, quelqu'un dont on parle et qu'on admire, tout à fait d'accord, ou simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution, oui bien sûr, tu dois apprendre tes leçons. Je ne veux pas apprendre mes leçons. Ma petite sœur bien-aimée, choisir ce que tu veux devenir, mais il faut bûcher pour réussir. Savoir les chefs-lieux des départements, et conjuguer un verbe à tous les temps. Si l'on voyait que tu comptes sur tes doigts, tous tes copains riraient de toi.

toujours oublier cette plage et nos baisers et nos baisers et avec Thierry Vincent, les yeux fermés, nous serons dans l'année 1965. Une année qui voit le mariage de Guy Bedos avec Sophie Daumier, le décès de Stan Laurel et L'Homme de Rio, un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, sacré film de l'année avec 655 000 entrées. Merci de nous écouter, excellent après-midi sur Radio Guérozo. Les yeux fermés, dans son regard j'avais cru lire qu'elle n'aimerait pas me voir souffrir, que je pouvais lui confier ma vie. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Qu'elle avait menti, mais l'oublier je ne peux pas. Les souvenirs sont trop près de moi. À chaque instant, je vais les retrouver. Les yeux fermés. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Blue Jean Baby, je t'appelle comme ça. Blue Jean Baby, baisse toi, je t'ai donné ce nom, c'est tout pour moi. En souvenir de cette nuit-là où tout mon destin s'est tourné vers toi, lorsque je te s'est transformé, depuis mon cœur n'a pas rêvé, pas rêvé, et j'en suis tout troublé. Hey! Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, Blue Jean Bob, on s'arrivera en Blue Jean. Hey! Allons danser partout, on peut voir les garçons se flatter en cherchant à leur talent tous les moyens. Bah ouais, ton cœur, mais lui ne prend rien. Ouais. Blue Jean Pop, Blue Jean Pop, Blue Jean Pop, Blue Jean Pop, Blue Jean Pop, on se mariera en bleu. Blue Jean. les grands papas. Blue Jim Bop, encore un titre piqué dans le répertoire de Jen Vincent. À l'instant, c'était Eddie Mitchell. Sur Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Sylvie Vartan en écoutant la pluie. Soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Et près de ma fenêtre, je reste à l'attendre, guettant le bruit de ses pas. Pluie, oh, dis-lui de revenir un jour, et qu'entre nous renaisse un grand amour. Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir. Mais si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur, combien j'étais fidèle, et il viendra sécher mes pleurs. Sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que j'étais seul en l'attendant. Après la version française, la version originale, et pour cela, je vous propose d'écouter les cascades Rhythm of the Rhine. Fair for her to steal my heart away when she don't care. L A S H B A C K flashback. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my name and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Run crazy. But this drink is just great balls of fire. Jerry Lee Lewis, Great Ball of Fire. En octobre 1961, les Chats Sauvages sortent leur premier 33 tours 25 cm sur lequel figurent Amour et Rock, un titre aux rimes impérissables comme Rock avec Toc. En tout cas, en cette fin d'année 61, les Chats Sauvages touchent 300 000 anciens francs par soirée et là aussi, c'était pas du Toc. Mon amour c'est du vrai rock. Oh mon amour c'est du vrai rock. Je vous jure c'est pas du toc, ouais. Même si je suis un peu loufoque. Oh. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour c'est du vrai rock. Mais ton cœur est un vrai rock. Oui ton cœur est un vrai rock. C'est un insensible bloc qui ne comprend pas notre époque. Oui, mais ton cœur, mais ton cœur, mais ton cœur. Mais ton cœur est un vrai rock. Il est fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Complètement fou, fou, fou, fou, fou. Il est fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Et je chante mon amour. Ouais, je chante mon amour. En espérant qu'un beau jour tu ouvriras ton cœur lourd. Et je chante, et je chante, et je chante. Et je chante mon amour. Oh, yeah. C'est pour ça que je chante du rock. Oui, pour ça que je chante du rock. Ça me défoule et me débloque. Ça me console et c'est ad hoc. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je chante du rock. C'est pour ça que j'aime le rock. Oui, pour ça que j'aime le rock. C'est bien mieux que l'électrochoc ou que la méthode du schnock. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime le rock. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime le rock. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime le rock. J'aime l'amour, le soleil et les mini-jupes. Mon idéal serait une longue nuit où brillerait le soleil. Ce sont quelques-unes des pensées profondes que Brigitte Bardot confiait aux journalistes en avril 1967. Des pensées qui reflétaient bien la personnalité de notre ex-symbole des années 60.

creation's a happening with her. Gotta keep those rocket vibrations a happening with her. Gotta keep those rocket vibrations. Fils d'un ingénieur des travaux publics, Antoine Muracioli est d'origine corse. Cependant, il est né le 4 juin 1944 à Tamatave. Très jeune, il a énormément voyagé, Canada, Afrique, avant de se fixer en France à l'âge de 16 ans. C'est au cours de l'été 65 qu'il rencontrera sur la Côte d'Azur son producteur Christian Fechner. 1966 sera l'année Antoine. Inconnu fin 1965, trois mois plus tard, il passe en vedette à l'Olympia. Il grave dans le style folksong son premier 45 tours chez Vogue à l'automne 65. Début 66, Antoine sort son deuxième 45 tours. S'il respecte l'esprit du premier, il crée cependant l'événement avec les élucubrations d'Antoine. La révolution Antoine est lancée et la polémique ouverte. Antoine, les cheveux longs, ça choque. Il s'habille avec des chemises à fleurs, il souffle dans un harmonica accroché à son cou comme Bob Dylan et l'anglais Donovan. Sa première chanson, La Guerre, un protest song français, fait peur. Il faudra le texte désopilant des élucubrations pour que Antoine devienne le numéro 1 de l'actualité. Il allie le style beatnik au pop art, à la grande joie de ses fans, vendant plus d'un million de disques en quelques mois. Appelé en 1967 pour effectuer son service militaire, il sera réformé. En février 1967, Antoine lutte contre l'hypocrisie raciste et sexiste en chantant « Je l'appelle Cannelle ». En 1969, Antoine sera directeur artistique, puis un sage présentateur à la télé. Ne croyant plus à sa vocation de chanteur, eh bien Antoine se convertira en navigateur solitaire, apparaissant de temps à autre sous les écrans de télévision pour la promotion d'un album, d'un livre ou d'une vidéo. Ma mère me dit bonjour, la concierge dans la cour, l'agent de police au carrefour, le facteur qui vient sonner, la laitière et le crémier, ils sont tous là pour me saluer. Allons bonjour, salut, allons bonjour, salut, le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour, salut. Allons bonjour, salut, allons bonjour, salut, le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour, salut. Enchanteurs et magiciens, oiseau bleu, petit lapin, princesse lutin et petit tout petit nain. Elle faisait fée, ange pour me garder. Tout a l'air de vraiment bien, bien, bien, bien s'annoncer. Alors bonjour, salut, alors bonjour, salut, le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour, salut. Alors bonjour, salut, alors bonjour, salut, le ciel est bleu, dans ma ville, il pleut tout le temps. Et je m'engueule avec mes parents. Et je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mes amis n'y ont rien compris. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'amis. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mon patron me fout à la porte. Après tout, que le diable l'emporte. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Sur Radio Guémozo, des souvenirs plein la tête. Comprenez-le. Je vis ce que je pense, je vis comme je veux. Je vais Johnny en cash, je n'aime pas Edith Mathieu. Que vous importe mes cheveux, j'ai des chemises que je veux. Je fais tout ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le. Je fidélité. Moi, croyez-moi, ça fait tout. Chaque soir m'amène une fille, chaque matin me voit repartir. Je suis comme ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je dis ce que je veux. Ce que je pense, ce que je veux. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Ce que je veux, ce que je pense. Et merde. Cannelle, parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle cannelle, parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. J'ai un oiseau qui chante en frétillant des ailes. Un oiseau qui chante, rien que pour toi ma cannelle. J'ai un oiseau qui chante, sans jamais se lasser. Si tu veux entendre mon oiseau, viens chez moi au plus tôt. Cannelle dans mon grand lit tout blanc. J'ai installé cannelle dans ma vie pour très longtemps. Si je ne l'ai pas présenté à mes parents, c'est parce qu'elle n'a que 15 ans. Je l'appelle cannelle parce que son cœur est bronzé. Je l'appelle cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Ne quittez pas la nuit. Aïe, aïe, aïe, la vie est belle. Tout va vraiment très très mal. Mais je m'en fiche, moi dimanche je vais voir le match de football. Je suis agriculteur, tous les jours je vais traire les vaches. Et 6 jours par semaine, je n'ai pas le cœur à la tâche. Ce que je voudrais, ce n'est pas pouvoir me lever tard. C'est qu'au lieu de donner du lait, mes vaches donnent du pinard. Je chante un peu partout, de l'Asie jusqu'en Amérique. Les gens me crient bravo, vive la France, c'est magnifique. Mon ami étranger m'a tout expliqué, c'est normal. Avec mon gros nez, ils me prennent pour le général. Aïe, aïe. La vie est belle, tout va vraiment très très mal. Mais je m'en fiche, moi dimanche, je vais voir le match de football. Aïe, aïe, aïe.

vaut mieux pas, si tu as décidé de t'en aller. Si tu crois que c'est mieux, adieu, et c'est maintenant ou jamais. Quand à ma porte tu as frappé, oui j'ai imaginé que tu venais pour rester. N'en parlons plus, j'ai dû me tromper. Si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu, mais c'est maintenant ou jamais. Je ne veux pas ni me manquer, ni te manquer de respect. Mais si tu n'as à me donner qu'un amour fait de mots, mieux vaut rentrer. Si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu, mais c'est maintenant ou jamais. Vraiment partir, qu'importe. Tu connais très bien le chemin, et dans le noir trouveras-tu la porte. Si tu as décidé de t'en aller, si tu crois que c'est mieux, adieu, et c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'était Johnny Hallyday opposé pour ce troisième et dernier match à la version originale de Manfred Mann, If You Got Go Go No. Adaptation ou version originale sur Radio Gemozo, c'est à vous de choisir. Find the door, but if you got to go, well, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Louis Buñuel se voit décerner le Lion d'or du Festival de Venise pour son film Belle de jour avec Catherine Deneuve. Nous sommes en septembre 1967 et Joe Dassin ne va pas tarder à adapter le tube de Bobby Gentry, Ode to Billie Joe.

Le free jazz énerve déjà les parents. Et paraît-il, les chaussures se modernisent grâce à M. André. The Letter. Après les Box Top, une jeune Française toute timide qui fréquente le petit conservatoire de Mireille sort son premier 45 tours. Françoise Hardy, il est parti un jour, c'était un jour de l'année 62. Il est parti un jour en disant je reviendrai. Oui, mais depuis ce jour, beaucoup de temps a passé. Oh, oh. Beaucoup de temps a passé. Il est parti un jour en disant sois-moi fidèle, jurant que son amour pour moi serait éternel. Oh, oh. Pour moi serait éternel. Il est parti un jour et je l'ai attendu, mais je l'attends toujours, il n'est pas revenu. Il est parti un jour vers de lointains paysages dont il ne m'a jamais envoyé la moindre image. Oh, oh, oh. Envoyé la moindre image. Thank you. tort d'avoir cru, oui cru en son retour qu'à présent je n'attends plus. Oh, oh, je rattrape le temps perdu, je rattrape le temps perdu, oui, je rattrape le temps perdu. Radio Guémozo, la plus batte des radios vosgiennes. Dis-moi, tu donnes-moi ma chance. Oh, oh, oh, Mary Lou. J'ai besoin d'un peu d'espérance. Oh, oh, oh, Mary Lou. J'ai besoin de ta présence. Oh, oh, oh, Mary Lou. Devant toi, je suis sans défense. Oh, oh, oh, Mary Lou. Si tu me donnais ta tendresse. Oh, oh, oh, Mary Lou. De mon cœur, tu serais la princesse. Oh, oh, oh, Mary Lou. Mais que veut dire ton silence? Oh, oh, oh, Mary Lou. Tu souris avec insouciance. Oh, oh, oh, Mary Lou. J'ai eu tort de vouloir te plaire, de t'aimer comme un fou. Mon amour ne t'intéresse guère. Adieu, Mary Lou. DHL et les chaussettes noires au Mary Lou. Il n'y a pas de bonnes choses qui ne se quittent un jour. Nous allons donc dans quelques minutes nous quitter. Dimanche 10h midi, rediffusion de l'émission. Notre prochain rendez-vous en direct, eh bien, c'est lundi dès 15h. Salut à toutes, salut à tous. Excellente semaine sur Radio Guémozo et n'hésitez pas à vous brancher sur Internet, dont voici notre adresse radioguémozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Salut à tous! Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree.